Het avec Bosavarin Hayastanum. Suivez le guide en Arménie. Madame, monsieur, bienvenue à IRFA, l'aéroport d'Arnos. Il est 20h, passé de 5 minutes en Arménie. Bienvenue à vous, suivez le guide vous emmène en Arménie. Nous sommes à 3400 km à l'est de Paris. Radio Mariam. Միացեք Radio Mariam հաղորդաշարին FM 104.1 հաճախականությամբ եւ 3w.radiomariam.am կայքում. En avion, comptez environ 4 heures. Nous sommes dans la région du Petit Caucase, cette ancienne république socialiste soviétique à des frontières terrestres avec la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord-nord-ouest, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud-est. L'Arménie est considérée comme un berceau du christianisme, première nation à l'adopter comme religion d'État en 301. Et berceau des civilisations indo-européennes. L'indépendance de l'Arménie, c'est en 1991, après la désintégration de l'Union soviétique. La capitale de l'Arménie, c'est Erevan ou Yerevan, un peu plus d'un million d'habitants, située à l'ouest du pays, à l'extrémité orientale de la plaine de l'Ararat. Petite précision, le célèbre mont Ararat est côté turc, auparavant l'Arménie occidentale. Suivez le guide. Erevan est une capitale très agréable, à taille humaine, avec de nombreux musées, terrasses et restaurants. Elle est comme Toulouse, une ville rose, et l'on peut s'arrêter place Charles Aznavour. Ce ne sera pas encore le cas dans cette émission qui débute à Erevan et se poursuivra en Haut-Karabakh, l'Artsar, une république autoproclamée de Transcaucasie, peuplée majoritairement d'Arméniens, que nous découvrirons avec Henri Sévoyant. Mais à Erevan, c'est une étudiante en français qui nous accompagne. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, nous allons découvrir une partie d'Erevan avec toi. Il s'appelle Vernissage. J'arrive à lire Vernissage. Mm-hmm. C'est formidable, hein. Je sais lire l'arménien, mais c'est écrit en français. Enfin, c'est écrit en, voilà, en français. En latin. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dans d'autres langues, Vernissage. Tout à l'heure, en venant sur le trajet, je suis passé devant un café qui s'appelle Saint-Tropez. Mm-hmm. Donc j'ai réussi à lire Saint-Tropez. Il y a beaucoup de cafés avec des noms de latin ou français, je ne sais pas. Oui, et puis c'est vrai qu'on aime Paris. J'ai mis exprès un t-shirt Paris. Et aussi, c'est une place trop touristique. Voilà pourquoi ils ont écrit avec l'alphabet latin, pour que tout le monde comprenne et puisse lire. Mm-hmm. Vernissage. Alors on est plutôt, si on se situe par rapport à la géographie de Yerevan, on est plutôt quoi dans le centre et devant vous pouvez voir la place République. Voilà, c'est grand hein, Yerevan quand même, mais c'est une ville qu'on peut découvrir. Alors il y a le métro bien sûr, mais c'est une ville qu'on peut découvrir à pied. Oui, oui, oui. Le centre de Yerevan, c'est trop petit et vous pouvez marcher. Bon, déjà, on se rend compte que tu parles très très bien français. Oh, merci beaucoup. Mais comment se fait-il que tu parles très bien français? Moi, j'ai commencé à étudier à 8 ans le français. À 8 ans? À l'école maternelle. Ah oui, c'est vrai qu'on commence tôt. Mm-hmm. À l'école 48 de Misak Manouchian. Vous savez qui est Misak Manouchian? C'est un héros français arménien qui est battu pendant la guerre deuxième mondiale. Mm-hmm. La seconde guerre mondiale. Ah, seconde guerre mondiale, excusez-moi. Voilà, ensuite j'ai continué mes études au lycée franco-arménien. Là-bas, ils m'ont enseigné les français, la géographie et l'histoire française. Et ensuite, maintenant, je fais mes études à l'EFA, donc j'ai besoin... Donc l'EFA, c'est l'université française en Arménie. Et j'ai besoin de parler, Les cours sont en français? Non. Non. Les cours commencent d'être en français en troisième année, mais maintenant, comme il y a beaucoup d'étudiants qui ne connaissent pas le français, ils doivent étudier ensuite, dès l'année troisième, les cours vont être en français. Donc dès la troisième année. Mm-hmm. Donc il faut que tu parles français. Mm-hmm. Et que tu écoutes parler français. Oui. Donc c'est un bon exercice. Oui. Ah bah alors tant mieux. C'est une grande opportunité pour moi. Bon alors formidable, mais sachant que tu ne te destines pas du tout à l'enseignement ou du français. Ton métier ne sera pas lié à la langue française. Un petit peu, mais pas... Non, parce que tu étudies l'informatique. Oui, et maths appliquées. Maths appliquées. Mais moi, j'avais la chance d'enseigner le français. J'avais une étudiante pendant les grandes vacances et j'ai enseigné. Vous déjà, on n'est pas totalement perdu non plus parce que il y a un premier stand sur ce marché, donc vernissage où on trouve de l'artisanat arménien avec t-shirts, des t-shirts. Et je vois qui ? Premier Charles t-shirt. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Très très connu. En voilà, l'arménien le plus et connu. Et aussi, il y a une maison de Charles Aznavour à côté de Cascade. Voilà, maison de Charles Aznavour, square Charles Aznavour. Oui. Place de France, on est passé, je suis passé aussi par à la l'opéra. Place de France, en face de l'Opéra, avec une statue offerte par Nicolas Sarkozy. Oui. La statue de Rodin. Oui. Bon, il faut bien reconnaître que quand on est sur le trottoir, si on n'est pas au centre de la place, et on ne va pas forcément à pied au centre de la place parce qu'il y a beaucoup de circulation, on ne reconnaît pas Rodin parce que la France a offert une toute petite statue. Hein. Oui. Alors, elle est Place de France. La Place de France, c'est vraiment au centre de Yerevan. C'est une place très importante pour Arménie. Il y a, je pense, deux ou trois places très importantes. C'est la Place de République, la Place de Liberté qui se trouve à côté de l'Opéra et aussi la Place Française. La Place Française avec la statue donc, de Rodin. Qu'est-ce qu'on va trouver, Catherine, ici, dans ce marché vernissage ? Des bijoux arméniennes, et il y a des t-shirts arméniens, des tableaux, et aussi des khachkar. Khachkar sont quelque chose de religieux. Au centre, on voit khach, ça veut dire croix. Alors là, il y a des chaînes avec des croix, justement. Oui, les Arméniens aiment mettre des croix. Alors, j'ai dit que la statue de Rodin était une petite statue, en revanche, les croix, ce sont des grosses croix. On aime porter des grosses croix ? Moi, je n'aime pas, mais les Arméniens en général aiment. Grenade, c'est un symbole de l'Arménie et de Yerevan aussi. C'est ça, donc du coup, beaucoup de bijoux. De grenades. En forme de grenade. Voilà. C'est très joli. C'est très joli. Madame parle en français aussi. Je donc, comprends tout. Ah bon, vous comprenez tout ? D'accord. Donc c'est un pendentif en forme de grenade. J'ai appris aussi donc qu'on produit du vin de grenade. Oui, aussi. Et c'est très délicieux. C'est vrai. Si vous allez visiter à Arménie, c'est la ville de vin de l'Arménie. Il y a des vins très très délicieux et aussi de grenade. Et comme ça. Mais est-ce que c'est sucré le vin de grenade ? Un petit peu. Un petit peu. D'accord. C'est le symbole de l'infini arménienne. Oui, ça on l'a vu déjà, ce symbole, effectivement. C'est un voilà. Cercle avec, imaginons, une forme qui tourne à l'infini. C'est un peu hypnotique comme ça. Yes. Alors, les ceintures. Donc, il y a des ceintures qui sont des ceintures en argent. Oh, oui, argent. Argent. Des ceintures en argent. Elles sont très, très anciennes. Ah, des anciennes ceintures en argent. De 100 ans et plus. À 1909, effectivement, par exemple. Donc, alors, cette ceinture aussi... Bon, à porter, on se dit que c'est pas si facile à porter, parce que ça doit être très lourd à porter. Mais c'est très joli, et maintenant, en Arménie, c'est très, très, très en mode. Combien ça peut coûter, alors, une ceinture comme ça ? Ça vient de l'Erzurum, comme je vous avais dit, que c'est une région de l'Arménie ouest, Erzurum. Est-ce qu'il y a un argent ? Il coûte $600. Oui, c'est normal, c'est tout en argent. Hein. Ah, et au fait, c'est très précieux si en fait. Si on vient acheter ce type de pièces anciennes, est-ce qu'on marchande ou pas en Arménie ? Mais en même temps, moi je peux difficilement porter ça. Si vous allez acheter. Ils peuvent baisser d'accord, un petit peu. D'accord. Je ne suis pas assez riche. Mais disons que si j'achète la ceinture, on ne mange plus pendant 2 semaines. Donc là, alors, des poupées avec le costume traditionnel arménien. Est-ce que tu as, toi, Catherine, chez toi, un costume non, traditionnel ? Malheureusement, non. Non. Et les poupées portent des... En Arménie, c'est ce robe-là, on dit taraz. C'est les vêtements nationaux de l'Arménie. Et cela, c'est doudouk. L'instrument, voilà, le doudouk. Qui est le symbole de l'Arménie aussi, parce qu'on prépare avec le bois de l'arbre de l'abricot. Dans ce type de marché d'artisanat, Catherine, les acheteurs sont plutôt... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français, par exemple. Donc, sont aussi des Arméniens qui viennent acheter? Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour touristes étrangers, non. Enfin, la aussi, plupart, mais pas... Des personnes sont étrangers parce que c'est moins cher ici d'acheter des symboles arméniens. Mais les Arméniens aussi viennent acheter parce qu'il y a des dessins très jolis ici. Voilà, et puis les Arméniens de la diaspora aussi, je suppose. Mmh. Mmh. Grâce à la révolution de velours, beaucoup d'Arméniennes ont venu à l'Arménie pour habiter ici. Alors, on va ouvrir une parenthèse, Catherine. Petit cours d'histoire, la révolution de velours, c'est pas vieux, c'était en 2018. Pendant les mois de l'avril et aussi de mai, c'était contre le gouvernement arménien ancien. Et cette révolution est passée avec Nikol Pachinian, qui maintenant est le premier ministre de l'Arménie. Et il est très connu dans le monde entier, aussi en Arménie. Il y a des t-shirts avec Nikol Pachinian parce que les Arméniens adorent Nikol Pachinian comme ça. Ça s'écrit comment? Nikol, N-I-K-O-L-E à la fin. Ah, ça s'écrit comme Nikol, oui. Qui est un prénom féminin en chez français. Nous. Mais en arménien, c'est pas comme ça. Donc Nikol n'est pas une femme. Non. Ici, vous pouvez voir un roi qui est le roi grand. Il s'appelle Tigran Medz, Tigran le Grand. Grâce à lui, les territoires arméniens ont devenu trop grands. Ils commençaient de la mer de Méditerranée. Ils finissaient pendant, je ne sais pas, à Iran comme ça maintenant. Vous savez, Iran. Ah oui, mm-hmm. Et ça c'était quand? 95 avant Jésus-Christ. D'accord. Précisons aussi, la révolution de velours, ça a duré combien de temps? 2 mois. La révolution de velours a commencé quand Nikol Pachinian a commencé à marcher de Gyumri à pied à Yerevan. Pendant ce temps-là, les jeunes Arméniens ont bloqué les rues pour que la circulation devienne plus lourde, comme mm-hmm. ça. On a paralysé la ville. Mm-hmm. Et ensuite, chaque soir, ils ont réuni. Il y avait des rassemblements. Mm-hmm, sur la place de la République. Et au bout de 2 mois, donc, ça a payé. Oui. Et tout s'est passé comme sur du velours, donc oui. Dans la paix, mm-hmm. sans violence. Sans violence. Même les Arméniens préparaient des krolovats dans les rues. Donc, les coiffeurs. Les krolovats, c'est quoi? Krolovats, c'est barbecue. Krolovats. Krolovats. Krolovats. Barbecue arménienne. Ouais. Donc on mangeait, on buvait. Mm-hmm. Et donc toi, tu as vécu ça dans oui, la rue? Moi aussi, j'étais une petite partie de cette révolution. Mais c'est un souvenir fort. Oui. D'avoir trop. Vécu ça. Suivez le guide est à Erevan, en Arménie, que nous parcourons avec Catherine, une étudiante francophone. Nous découvrons un marché d'art et d'artisanat, le marché de vernissage, qui porte donc un nom français. Suivez le guide à Erevan. Sur ce marché, il y a des fontaines? Oui, des fontaines qu'on appelle poulpoulak en arménienne. Vous voulez que je raconte la légende? Oui, Poulpoulak. L'architecte de Yerevan, Alexandre Tamanian, après son travail, quand il revenait chez soi. Donc ça, c'était quand aussi, pour situer dans le temps? En 1910, juste avant, 20, je ne sais pas mm-hmm. précisément. Mais quand il revenait chez soi, il était très soif. Parce qu'il fait chaud ici. Hein, oui. Et dès ce jour-là, il a décidé de construire des fontaines avec l'eau potable. Et en Arménie, on s'appelle ça Pulpulak. Et les touristes qui vont venir en Arménie peuvent boire l'eau gratuite. C'est vrai que les fontaines sont nombreuses. Alors moi, ce qui m'a frappé depuis que je suis arrivé, les distributeurs de billets de banque, il y en a partout, si on veut retirer de l'argent. Et si on a soif des fontaines, régulièrement, on peut boire une eau qui est très bonne et qui est très fraîche. Je disais que les motifs comme ça... Alors, c'est comme ça, c'est-à-dire avec... Des lions, qui est l'un des symboles de l'Arménie, et aussi de l'alphabet arménien. Oui, où il y a 39 lettres. Hein. Mais le créateur de l'alphabet arménien, c'est Mesrop Mashtots. Et quand il a créé les lettres, il y avait juste 36 lettres. Et après le temps, on avait ajouté 3 lettres aussi. Et maintenant, on a 39 lettres. Ouais. Donc pour un étranger, tu dirais, toi qui as appris le français, qui parle bien français, pour un étranger, apprendre l'arménien, c'est compliqué. Oui, c'est très difficile. Beaucoup des étrangers, beaucoup de touristes m'ont dit que l'arménien, quand tu écoutes l'arménien, c'est vraiment très joli, très douce à l'oreille. Mais quand tu commences à apprendre, c'est difficile. Et l'arménien n'est parlé que en Arménie. Oui. Bien sûr, par la diaspora partout dans le monde. Mais sinon, avec l'arménien, on voyage d'abord en Arménie. Oui. Alors, ce qui est bien, enfin, je trouve ça bien pensé sur cette grande place qui accueille ce marché d'artisanat vernissage. Contrairement, peut-être, si on a visité d'autres villes avec les souks, on n'est pas du tout dans la même ambiance parce que les allées sont très très larges. Donc il y a beaucoup beaucoup d'espace, c'est un marché très aéré. Nous arrivons, Catherine, sur une autre grande place de Yerevan. Place de la République. Place de la République. Alors là, c'est un point commun avec la France, hein, puisque... Pratiquement dans chaque ville de France, il y a une place de la République. Je pense que dans chaque pays. Dans chaque République. Dans les dictatures, il n'y a peut-être pas des places de la République. Et si vous avez aperçu, la pierre a une couleur rose. C'est la pierre arménienne Touf. Et grâce à cette pierre, on appelle Yerevan la ville rose. Ouais. Donc il y a beaucoup de bâtiments construits avec cette pierre. Effectivement, qui tire vers le rose. La place est entourée par 5 monuments et 5 bâtiments très importants. Là-bas, on peut voir la Galerie nationale. Donc, c'est un musée. Où on peut voir les tableaux des grands... peintres arméniens. Oui, et aussi le musée de l'histoire de Yerevan. Ça date de 782 avant Jésus-Christ. Yerevan est plus ancien que Rome. Donc ça, les Arméniens en sont fiers. Oui, trop fiers. Et les Arméniens sont fiers de leur pays, d'ailleurs. Oui, parce toi, par exemple, Catherine. Moi, je suis très, très fière parce que l'Arménie a une histoire très riche. Alors, cette place est très grande. Donc, les autres bâtiments. Ici, on peut voir un cercle avec les motifs des tapis arméniennes. Sur le sol, effectivement. Oui. Et sinon, il y a d'autres bâtiments qui entourent... C'est l'hôtel Marriott. Oui, donc hôtel chic de Yerevan. Il y a aussi la poste de Yerevan et aussi le ministre des Finances de Yerevan. Donc cette grande place avec des grandes fontaines de la République. Qui chante pendant la nuit. Ah oui. Avec la musique classique ou d'autres types. Ça fait un peu bouquet final, hein. Là, l'ambiance musicale des fontaines dansantes, illuminées d'avril à octobre, le son et lumière de la place de la République. En France, quand on pense Ville Rose, on ne pense pas à Paris. Hein. On pense à Toulouse. Mais les Arméniens pensent à Yerevan. Mais Toulouse, tu savais que Toulouse était la Ville Rose française. Oui, parce que j'ai fait une présentation pendant la cours de géographie française. Donc tu peux aussi nous parler de Toulouse depuis Yerevan. Oui, un petit peu, parce que je n'en souviens pas beaucoup. Donc là, on se dit que c'est un grand musée, hein, oui. La taille du bâtiment. Si on visite tout, on y passe... Il y a deux musées oui. Ici, le musée des histoires de l'Arménie, et aussi le musée, la Galerie Nationale, où on peut trouver les chefs-d'œuvre des peintres arméniennes. Ouais. Si on visite tout, on y passe au moins la journée. Et aussi des peintres étrangers qui ont dessiné l'Arménie, comme ça. D'accord. La majorité de cette collection, c'est... Les Arméniens de l'étranger qui ont donné ces collections en Arménie. Ah, la diaspora. Oui, la diaspora. Tuesday. Ah, on est lundi. C'est fermé le lundi. Monday. Vai, vai, vai, vai. Ara, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Ara, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Ara, vai, vai. Vai, vai, vai. Si nous étions venus Place de la République avant, je pense qu'elle nous appelle Place de la République, nous aurions pu trouver au centre, Catherine, une grande statue. De Monsieur Lénine. Mais pendant les années 1990 et 91, le statut de Lénine était détruit. C'était le moment quand les Arméniens n'avaient pas beaucoup de liberté de parler, d'exprimer ses idées. Il y avait la police secrète. Oui. Des personnes qui étaient arrêtées. Oui, oui, oui. Beaucoup des écrivains arméniens ont été morts pendant cette période-là, comme Yerishe Tcharens, Axel Bakounts et les autres. Je dis que des noms que vous ne connaissez pas. Non, pas forcément. Hein. Et le jour de l'indépendance, c'est 1991, septembre 21, le septembre. 1991, l'indépendance de l'Arménie. En tout cas, si on peut faire une petite folie, si on peut se permettre une petite folie, aller dormir au Marriott, Place de la République à Yerevan, c'est un bon choix. Hein. Voir aussi le jardin de Komitas, d'un compositeur arménien qui a collectionné... Oui, c'est le prêtre, c'est ça, c'est un prêtre ou un moine. Ouais. Et aussi un compositeur qui a collectionné les chansons... Traditionnelles. Ouais. Ce qui est certain, Catherine, c'est que si on se balade dans les rues de Yerevan, on ne mourra pas de soif et de faim. Et de soif non plus parce qu'il y a énormément... de vieilles voitures, des petites camionnettes qui ont été repeintes avec des couleurs marrantes. J'en vois une qui est rose, par exemple. Dans toutes ces petites ces petits trucks. Alors, en France, on parle de food truck. Ici, on peut parler de drink truck. On peut acheter à boire, hein, des smoothies, plein de boissons. Et aussi des mojitos, quand vous Et des mojitos, en plus. Mais c'est vrai que partout, enfin régulièrement, comme ça, on peut trouver à boire et à manger à Yerevan. Hein. Oui. Et ça tombe bien parce que les Arméniens mangent tout le temps, non? Oui, ils aiment manger beaucoup et délicieux. Les Arméniens sont des gourmands. Non? C'est difficile de rester mince alors en Arménie? Oui. Voilà pourquoi la plupart des Arméniens sont un petit peu gros. Mais pas la majorité. Non. Nous arrivons sur un autre parc, nous entrons dans un autre parc. Le parc de 2800 ans de Yerevan, c'était un cadeau de la famille Vartanian à Yerevan. Et c'est qui cette famille Vartanian? C'est une famille très riche. Ils ont décidé de leur offrir un cadeau comme ça. Et si on va compter toutes les fontaines là, on va savoir qu'il y a 2800 fontaines. C'est l'âge de Yerevan aussi. Donc devant nous, effectivement, alors ce sont des fontaines avec plein de jets. et il y a 2800 jets. Et l'eau des 2800 jets est potable. Oui. C'est bon, oui. Et fraîche. Et si vous regardez le sol était construit par les motifs de tapis arménienne. Dès la fondation de ce jardin, il y a beaucoup de monde qui vient. Maintenant, il n'y a pas de monde, c'est exceptionnel. Ah, donc là, c'est tranquille. Un lundi du mois d'août à Yerevan, c'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ce ne sont pas les grandes eaux du château de Versailles, mais c'est pas mal quand même. Donc 2800 ans pour Yerevan. Et l'Arménie, on a, je ne sais pas si on a eu l'occasion de le dire déjà, c'est le, historiquement aussi le premier pays chrétien. Oui, qui a reconnu le christianisme en 301, après Jésus-Christ. Tant qu'à faire. Ce jardin, c'est le dernier jardin de Yerevan. Oui. Le tout neuf, le tout nouveau. Ce jardin a été fondé en 2019, les mois de mai ou de juin. Il y a beaucoup de jardins, c'est une ville jardin. Est-ce qu'on peut dire ça que Yerevan, c'est une ville jardin? Oui, parce qu'à côté de nous, il y a un jardin et de Komitas. Et à côté de nous aussi, à gauche, il y a aussi le jardin anglais. Voilà, alors on peut dire que Yerevan, c'est une ville pour les amoureux. Oui. Si les amoureux veulent s'asseoir sur un banc. Oui, il y a aussi un jardin des amoureux sur la rue de Bahramian. Donc en plus, vraiment pour les amoureux. Est-ce qu'il y a un jardin pour ceux qui sont fâchés? Non. Les Arméniens ne sont pas fâchés. Ils sont toujours amoureux. Oui. Suivez le guide, vous invite à découvrir la capitale arménienne, Yerevan, avec une étudiante, Ami Deva, rencontrée lors de l'émission précédente. Avec Sponsor Varin, suivez le guide en Arménie. Nous passons, Catherine, d'une place à l'autre à Yerevan. Mm-hmm. Donc après la place de la République, après cette fontaine des 3000 ans, autre place face à un édifice particulièrement... 2800. Oui, enfin, oui. 2800. Bon, on va pas chipoter pour 200 ans, la place des 2800 ans. Maintenant, nous sommes arrivés sur la place de la Liberté. Ah, c'est la place de la Liberté? Oui. D'accord. Mm-hmm. Je pensais que ça allait être la place de l'Opéra, ou elle est de l'autre côté, peut-être. Il y a une place de l'Opéra? Non, on n'appelle pas ça, on appelle juste Opéra, ou la place de la Liberté. Et vous voyez les deux statues. L'un, c'est le statut de Hovhannes Toumanian, c'est le grand poète arménien, grand écrivain, et là-bas... Donc, grande statue aussi, imposante, plus impressionnante, plus imposante que la statue de Rodin. Ah, ok, oui. Beaucoup plus grande. Hein. Et là-bas, on peut voir le statut d'Alexandre Spendiarian, compositeur arménien. Et pourquoi ces deux statues sont devant l'opéra? Parce que l'opéra était ouvert par Opéra Almast, qui a été écrit par Hovhannes Toumanian, et la musique a écrit Alexandre Spendiarian. Donc, cet opéra qui a ouvert il y a plus d'un siècle. Oui. Et c'était au début de la période soviétique. Oui, l'Arménie est devenue soviétique, les soviétiques ont apporté l'opéra ici. Oui, mais c'est Alexandre Tamanian, l'architecte de Yerevan, qui a construit ce bâtiment. Et tu y vas écouter des concerts? Oui, souvent. Et je voudrais dire une chose. Chaque année, le jour de naissance de Charles Aznavour, on fait un petit concert. Et les chanteurs arméniens essaient de chanter les chansons de Charles Aznavour. Mais ils les chantent en français? Ou bien les chansons d'Aznavour sont-elles traduites aussi? Et peut-être lui-même d'ailleurs enregistré des chansons en arménien? Ils traduisent quelques chansons en arménien, mais il y a des chanteurs qui savent le français et essaient de chanter en français. Et une fois, l'un de ses concerts, Charles Aznavour était présent. Mais à ta connaissance, Charles Aznavour a-t-il enregistré ses chansons en arménien? Oui, je pense qu'il y a quelques chansons qui sont en arménien. Comme Pour toi, Arménie, il y a un petit parti de l'arménien, oui. Mais cela dit, tu as assisté toi-même à un concert de Charles Aznavour. Oui, j'avais la chance d'être présente de son concert. Donc c'était en quelle année? en 2016-2017. Voilà, donc il avait déjà pas. 90 ans, oui. bien sonné. Mm-hmm. Et mais il a bien chanté toutes ses chansons, comme La Bohème ou Amenez-moi. Ouais. Donc ce sont des chansons qu'on connaît ici, mais c'est, on pourrait dire que c'est transgénérationnel. Enfin, ce sont des chansons qui sont connues même par quelqu'un comme de ton âge, Catherine, qui n'a pas 20 ans encore. Oui, parce que les jeunes Arméniens aiment beaucoup Charles Aznavour. Donc c'est pas du tout de la, un chanteur pour vieux. Non, ou, non, non, non, non, du tout. On dit pas c'est ringard Charles Aznavour. Non, non, c'est non. Toujours stylé, écouter Charles Aznavour. Si quelqu'un dit mais c'est ringard Charles Aznavour, les Arméniens vont défendre. Oui. Vont, vont et sortir on jeter les des tomates. Non. Ouais. Je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Sinon, on pourrait parler d'un autre compositeur que normalement les Européens connaissent, compositeur arménien aussi. Comment bien prononcer son nom ? En arménien, on dit Aram Khachaturian, mais les étrangers disent Aram Khachaturian ou bien Khachaturian. Voilà, ça. Ou carrément Khachaturian. Et là, a priori, tout le monde, normalement, le nom doit résonner un petit peu. Hein. Mm-hmm. C'est un compositeur très connu pendant la période soviétique du XXe siècle. L'une de ses mélodies très connues, c'est Bal Mascarade. Et vous pouvez attendre cette mélodie dans les films très connus. Moi, je ne peux pas dire quel film, mais j'ai entendu. Mm-hmm. Vous n'avez pas entendu ? Ben, c'est pas assez, là. Et la suite je du morceau. Je vous conseille. Jusque-là, ce n'est pas facile hein, d'identifier. Ce bâtiment est construit par le style de néoclassicisme. Donc effectivement, il y a des colonnes avec des chapiteaux néo, je sais pas, grec ou. Mais ça date du début du XXe siècle. Hein. Oui. Est-ce qu'en Arménie, c'est populaire d'aller et accessible aussi financièrement d'aller à l'opéra ? L'opéra de Paris, il y a des places pas chères, mais il y a des places très très chères. Mm-hmm. Et les jeunes Arméniens font leur rendez-vous tout près de l'opéra parce que c'est très connu par les Arméniens. Ouais, donc on se retrouve ici, mais les jeunes y allaient ensemble, assister au concert aussi ? Oui. Par exemple, hier soir, il y avait un concert devant, là, sur la place de la Liberté, des concerts gratuits, oui. Donc des événements organisés ici. Organisés par la mairie de Yerevan. Et aussi, quand vous passez à côté de la statue de Aram Khachaturian, vous pouvez entendre les mélodies de Khachaturian. Alors tout près aussi, il y a la statue d'un peintre, j'ai vu ça en passant hier, aussi une grosse statue, il y a beaucoup de statues hein. À Yerevan, il y a beaucoup de statues en Arménie, me semble-t-il, dans les villes, mais vraiment de taille importante, et des personnalités, on valorise les personnalités de l'histoire arménienne, mm-hmm. Et dont la statue de ce peintre qui a apparemment à compter, et il y a plein de peintres enfin, qui vendent leurs toiles, qui se mettent en cercle oui. Autour de la statue, c'est un peu comme la place du Tertre au Sacré-Cœur à Paris. Montmartre. À Montmartre. Uh-huh. Oui. C'est le statut de Martiros Sarian, qui est un peintre arménien très connu dans le monde entier. Et le parc s'appelle le parc de Martiros Sarian. Et les peintres se réunissent pour dessiner et ils vendent aussi leurs tableaux. Une chose encore, moi je suis en Arménie depuis 2 jours et je n'ai pas encore vu le mont Arara ou Ararat. On le voit depuis la capitale, depuis Yerevan ? Oui. Si vous allez à. Monument, on dit monument, mais si on dit en français, c'est monument. Vous pouvez voir l'Arara et aussi toute ville de Yerevan. Le mont Arara qui est, comment dire, il y a un culte du mont Arara en Arménie. Oui, parce que c'est une montagne biblique pour nous, parce que les Arméniens sont très religieuses. La plupart des Arméniens sont christianistes. Ouais. chrétienne. Chrétien. Mais vive mal la frontière, puisque si on veut marcher jusqu'au Mont Arara, on va être arrêté par une frontière. Non, parce que... Il n'y a pas de poste frontière, là, on peut passer. Il y a des frontières, mais les voyages touristiques arméniens peuvent facilement aller à l'Arara et même grimper. Et montagne. On peut chercher l'Arche de Noé éventuellement. Oui. Mais jusqu'ici, personne ne l'a trouvé. Parce qu'il y a trop de neige. Allez, suite de la visite de Yerevan, on prend l'escalator, enfin une série d'escalators, pour éviter de marcher. Parce qu'il y a 522 étagers, oui. Marche. Oui, 522 étages, ce serait très haut, mais 522 marches pour monter. Et c'est bien pour la santé, si on prend. C'est, si on prend l'escalier, pas les escalators. Il y a beaucoup de jeunes, le matin, qui font du jogging ici. Sur les marches. Oui. Ouais. Donc tout cela pour nous permettre de monter où ? Pour monter l'eau de cascade, pour voir tout le paysage de Yerevan. Alors il faut dire qu'auparavant, on a encore traversé un petit parc, un jardin, enfin un parc, avec une statue, puisqu'il y a beaucoup de statues à Yerevan, et la statue de l'architecte. L'architecte de Yerevan, Alexandre Tamanian, devant le cascade. Ouais. Ensuite, on a vu d'autres sculptures et on a dit, tiens, ça ressemble à des sculptures de Botero. Et puis tu as regardé et... C'était ce statue, on appelait la femme qui fume. Mais c'est Botero. Oui. Donc il y a plusieurs sculptures de Botero qui sont exposées. Voilà, c'est une série de petits escalators, mais moins impressionnants que... Parce qu'à Yerevan, il y a les escalators du métro qui sont grands escalators. Et j'ai peur des escalators quand je descends. C'est vrai ? Oui. Mais les escalators se ferment vers 8h ou 6h, je ne sais pas. Et vous devez marcher. Si on veut monter. Oui. Notre découverte va s'arrêter là, Catherine ? Oui, sur la rue de Bagramian. Si on continue tout droit ? On peut voir l'Assemblée nationale, la résidence du président. Et aussi le jardin des amoureux. C'est ça, donc l'un des nombreux jardins, le jardin des amoureux, puis on arrive à la station de métro. Oui. Et bon, on va s'arrêter avant, comme a priori le président ne nous a pas proposé d'aller prendre un verre. Donc on ne va pas y aller. Mais vous pouvez facilement aller au jardin de l'Assemblée nationale, parce que avant la révolution de Velours, c'était fermé pour les citoyens, pour les visiteurs. Ah oui. Mais maintenant, c'est on ouvert. Peut entrer. Oui. Mais là aussi, il y a des gardes, là on peut passer. C'est joli quand même. Ouais. Ben merci pour tout. Merci pour cette découverte. Je vous en prie. Bon, on ne se reverra pas parce que tu ne seras plus... Oui, à Yerevan, je vais être à Harappa pour 6 jours. Ouais. Donc Harappa, j'y serai aussi. Toi, tu vas rencontrer d'autres jeunes qui vivent là-bas. Je vais être dans un camp pour les jeunes de l'Arménie et aussi de Harappa. Pour améliorer les relations. Oui, entre ces deux morceaux. Mm-hmm. Mais quand on dit Harabar, est-ce qu'on dit l'Arménie ou c'est pas l'Arménie ? Politiquement dit, c'est pas l'Arménie parce que c'est un autre pays. Ouais. Et pourtant, mais quand même, et pourtant, c'est sur toutes les cartes de l'Arménie. Oui, mais quand même aussi, les soldats arméniens vont à Harabar pour protéger Harabar. Je pense que c'est notre territoire. Voilà, parce que c'est comme une enclave. En Azerbaïdjan, hein ? Oui. C'est entouré partout de l'Azerbaïdjan, comme une île en Azerbaïdjan. Ces terres ne sont pas les terres de l'Azerbaïdjan, non. Si on regarde la carte. Voilà. Mais si on voit par Google Maps, vous allez voir que vous êtes en Azerbaïdjan. Բայց պիտի վերադառնա միշտ քեզ մոտ Երկեզից հեռու է լինում Քո խորհրդավոր կարոտն է տանջում Ի փոքրի քաղաք Դու քեզ մոտ ես կանչում Երբ ես մենակ անտխուր եմ լինում Suite et fin de ce Suivez le Guide en Arménie. Nous quittons Catherine et Erevan pour le Haut-Karabakh, départ un matin pour l'est de l'Arménie, avec Henri Sevoyan, chauffeur et guide. Bonjour Henri. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Et vous? Ça va bien, merci. Bienvenue en Arménie. Voilà. Bon, on a combien d'heures de route, Henri? Jusqu'à Stepanakert, on va arriver vers 7h, 8h. Ah oui, tant que ça? Ouais. Waouh. Toute la journée. Ah, je vais peut-être mettre mon sac à côté. Notre première étape sur la route du Haut-Karabakh. Comment prononce-t-on bien, Henri? Normalement, pour les Arméniennes, c'est Artsakh. Artsakh. Artsakh. Donc on ne dit pas du tout Haut-Karabakh. C'est le nom de plutôt Azéri, quoi. Ah oui, donc Azéri, Azerbaïdjan. Ouais. Artsakh. En arménien, c'est Artsakh. Donc on est sur la route de Artsakh. L'Artsakh. Ouais. Qui est à peu près 300 km. Ouais, de Yerevan, c'est à peu près 300 km. Ouais. Voilà. Et on a déjà fait une petite partie du trajet puisqu'on s'arrête sur les bords du lac Sevan. Ouais. Là, c'est bon, y a pas... c'est bien prononcé, le lac Sevan. Lac Sevan. Qui est le plus grand lac. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de lacs, il y a des petits lacs aussi en Arménie. Oh, il y a quand même un petit lac, mais le plus connu et le plus grand, c'est le lac Sevan. Quoi. Ouais. On dit le lac Sevan ou le lac de Sevan? Le lac Sevan. Le lac Sevan, ouais. Qui a une longueur au maximum. Bah, longueur, c'est à peu près 80 km. Ouais, donc c'est vraiment long largeur lac. Largeur 55. Mm-hmm. Et profondeur aussi à peu près 80, quoi. Ouais, 80 mètres. 81, ben on va dire exactement. Ouais, de profondeur. Ouais. Il y a toute une activité de pêche dans oui, le lac Sevan. Bien sûr, il y a plusieurs types de poissons. Il y a le siga, plus connu, ishran. Et ces poissons, on va les cuisiner comment? Moi, j'aime bien le barbecue, quoi. Ah oui, barbecue. Mais le barbecue, c'est populaire en Arménie. Ouais, ouais. Trop souvent, on fait un barbecue, mais on peut préparer plusieurs mois, quoi. Là, c'est peut-être tôt. Enfin, je ne sais pas où c'est la nuit. Ils pêchent quand, plutôt, les pêcheurs sortent quand? Je ne sais pas. Parce que là, on ne voit pas de bateau. Hein. Ouais, mais normalement, maintenant, c'est interdit de pêcher. Ah, on ne pêche pas du tout? Non, parce que il n'y a pas beaucoup de poissons. Le Parlement, il veut... Il y a des quotas. Il faut faire une règle que 2 ans, on pêche jamais. On ne pêche plus pendant 2 ans pour que toute la faune se reconstitue. Ouais, alors, on ne peut plus manger de poisson, alors? Non, maintenant, il y a. Ils parlent de ça pour interdire, quoi. Pour préserver les poissons du lac Sevan. Ce lac est entouré de montagnes tout autour. Oui, c'est l'altitude, c'est ici 1800. L'altitude, et c'est autour, c'est les montagnes Guérama, ça s'appelle Guérama Montagne, quoi. Donc là, on a déjà pris un peu d'altitude par rapport à Yerevan, non? Ouais. Il fait déjà un petit peu plus frais. Ouais. Sevan, c'est peut-être l'un des plus froides régions, quoi, ici. Ah oui. Est-ce que les habitants de Yerevan viennent se mettre au frais un peu ici? Ouais. En été, on va dire, le maximum à Yerevan, ça peut monter jusqu'à 40, 42. Ici, maximum, c'est 30, quoi. Donc, c'est plus agréable. Ouais. Mm-hmm. Et la température de l'eau, ça monte pas de 21. Ah, donc, si on se baigne, et c'est pas si froid. C'est pas si froid. Toi qui as vécu en France. C'est pas comme de l'eau de mer, quoi. Ouais, mais c'est un peu comme la Bretagne, enfin, c'est l'eau. Ouais. C'est l'eau de montagne. Ouais. C'est du montagne qui vient. Alors, Et toi, tu t'es baigné dans le lac Sevan? Oui, bien sûr, chaque année, toujours. Et quand c'est tu... trop bien. Ouais. Pour la santé, c'est encore plus mieux que l'eau de la mer. Ouais. Abrumi meç Yerevan, Yerevan imya odevan yestatmen tegnan duabrir havityan. Il y a une très, très jolie église, les groupes, il y a des groupes de touristes qui s'arrêtent. Le monastère, ça s'appelle Hayravank. Il est construit du 9e siècle. ils ont fini à 13e siècle. Ouais. Donc c'est une petite église ? Petite église active, très connue. Et on y célèbre encore des messes aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est en activité ? Oui, tous les dimanches. C'est une pierre noire, hein ? Pierre noire de touff. Pierre arménienne. Enfin, noir et rose aussi. Hein. Oui, touff, il a plusieurs couleurs. Quoi. Rouge, brun, orange, noir, gris. C'est la pierre qu'on trouve seulement en Arménie. Donc c'est une église, bien sûr, de l'église arménienne. L'église arménienne de l'église apostolique. Et les prêtres, on les appelle comment ? Kahana, si en arménien, ça, on appelle Kahana, prêtre. Est-ce que les prêtres de l'église arménienne ont le droit de se marier ou pas ? Les prêtres, oui, mais encore si le, on va dire les catholicos, on va dire le catholicos, il n'a pas droit. Catholicos, c'est le plus dans les hiérarchies. Ouais. Je sais pas si on va dire comme les papes. Hmm. Chez nous, c'est l'équivalent. Voilà, pour les catholiques, c'est la pape le plus haut, oui. Chez nous, c'est le catholicos. Et le catholicos, lui, se trouve où ? À Echmiadzin. Donc, en Arménie, effectivement, la ville religieuse. Oui, c'est ça. L'Echmiadzin, c'est le centre de l'église, quoi. On va reprendre la route, Henri. Notre prochaine étape, c'est ? Notre prochaine arrêt, c'est le monastère d'Adivank. D'accord. Alors là, ça, clairement... c'est déjà en Artsakh, à Haut-Karabakh. Déjà au Karabakh. Au Karabakh. Ouais. Au Karabakh. Ouais. Quand on se rend au Karabakh et qu'on prend cette route, c'est un circuit qui, avec des arrêts dans différents monastères. Hein. Ouais, tous les monastères, ils sont à peu près la même architecture, mais aussi ils sont très différents. Ouais. Ils sont... Chacun, il a son style... Si on visite l'Arménie, clairement, ce serait vraiment dommage de manquer les visites des monastères. Ouais. Le tourisme arménien, c'est plutôt le tourisme historique, chrétien, quoi. Parce que l'Arménie, c'est le premier pays qui est devenu chrétien officiellement. On est arrivé alors au poste. Alors est-ce qu'on dit poste frontière ou contrôle ? On dit poste contrôle passeport, quoi. C'est ça, pour entrer dans le Haut-Karabakh. Ouais. Donc on sort les passeports. Yes, I don't care. I don't consent. Et on sort ? Ouais. Ok. Donc c'est comme un petit poste frontière. Ouais. Il y a le drapeau du Haut-Karabakh. Voilà, ça c'est le drapeau de Artsakh. C'est le drapeau arménien. Et le petit morceau, c'est le Karabakh. C'est comme l'Arménie avec le Karabakh. Ah, c'est ça, d'accord. Le Karabakh dans l'Arménie. Voilà. Ça y est, les formalités sont en ordre. Ouais. L'entrée est gratuite. Ouais, hein. C'est... Personne n'a fouillé la voiture ou... Non. En Arménie, on peut tranquillement laisser les portes ouvertes. Personne ne va pas toucher, personne ne va pas ouvrir les portes. Même à Erevan, si on est garé à Erevan, personne, tu oublies de fermer c'est la voiture. Très rare. En plus, dans les quartiers, on ne ferme jamais. Dans les petits quartiers où il y a les chalets, mais... Maison privée, tout ça. Il n'est pas nécessaire de fermer la voiture à clé. Non. Même si on laisse traîner quelque chose dedans. Non. Hmm. Il y a ma téléphone dans la voiture. Oui. J'ai laissé comme ça. Après quelques arrêts, 300 km, nous sommes arrivés, Henri, à Stepanakert, qui est la capitale du Haut-Karabakh. Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent n'ont peut-être jamais entendu parler du Haut-Karabakh. Alors, le Haut-Karabakh ou Arksar, comment présenter cette région? Les Arméniens ont présent Artsar. Artsar, ouais. Voilà, le premier on roule, le deuxième on roule pas. Artsar. Artsar, maintenant, on va dire, après la guerre entre Artsar, Arménie et Azerbaïdjan, elle est devenue à peu près indépendante. Mmh. Donc cette guerre, c'est au début des années 90. 90 après, du XXe siècle, après 1990. Après la disparition de l'Union soviétique. Et Artsakh aussi, il a demandé son indépendance de l'Azerbaïdjan. Parce qu'Artsakh s'est retrouvé en Azerbaïdjan. Ouais, ouais. Après la révolution bolchevique, les bolcheviques, ils ont fait un cadeau, on va dire comme ça, à l'Azerbaïdjan. Ils ont donné le territoire de Haut-Karabakh ou Artsakh à Azeri. Donc Azeri, c'est l'Azerbaïdjan. Les Azerbaïdjans. Alors, on parle de république, mais doit-on dire république autonome? Oui, et après, le Karabakh. À l'époque de l'Union soviétique, Artsakh elle avait un statut de pays autonome dans la frontière Azerbaïdjan. Oui, pays autonome. Pays autonome, oui. Mais après la disparition, comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie, Bélarussie, ils ont eu son indépendance, Artsakh aussi, il voulait être indépendante. Le pays azerbaïdjan, il était contre, et à cause de ça, il y avait une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc une guerre qui a fait de nombreuses victimes. Milliers de personnes. Quoi. Et c'est toujours aujourd'hui une zone sous tension, oui. La frontière. Alors c'est pas la guerre aujourd'hui, mais il y a encore des victimes. Il y a des victimes de temps en temps, oui, à cause de les tirs de snipers. Sachant que alors, les jeunes font leur service militaire qui dure 2 ans en Arménie, ils sont pratiquement certains de se retrouver à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au cours de leur service militaire. Oui, les jeunes de 18 ans, ils viennent ici à la frontière parce que, comme j'ai dit, toujours, c'est pas fini, il y a des négociations. C'est pas vraiment guerre, mais... Mais c'est pas vraiment paix non plus. Voilà, c'est pas paix aussi. Toi, tu t'y es retrouvé, toi, Henri, sur cette zone? Moi, j'ai fait mon armée 2 ans à Karabakh. Comme presque la majorité, on doit protéger notre pays, quoi. Ouais, ça, c'est un devoir? Ouais, c'est un devoir, ouais. Tu te pensais en sécurité pendant ces années de service militaire ou tu te dis, bon, certains n'en reviennent pas? Bah, on sait jamais, oui. On va et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Oui. Parce qu'il y a des morts. Jusqu'à maintenant, peut-être un mort par semaine ou un mort par 2 semaines, je ne sais pas. Donc mais c'est beaucoup. À la frontière, il y a des tirs de temps en temps. La population de cette république de Karabakh est une population arménienne. Oui. Maintenant, au Karabakh, 100% de la population, c'est des arméniennes. Tous les Azéris qui vivaient avant ici, ils sont partis. Comme les Arméniens qui vivaient en Azerbaïdjan. Côté Azerbaïdjan, voilà. Sont peut-être venus s'installer par ici. Oui, ici ou à Yerevan, je sais pas, plusieurs villes. Ouais. Les gens, ils sont partis aussi en Russie. C'est comme pendant le génocide en Turquie, les gens, ils sont repartis en Amérique, en France, en Arménie. La même chose en Azerbaïdjan. Quand ça a commencé la guerre, à Sumgayit, il y avait presque la même chose qu'ils ont fait en Turquie. Ils tuaient les gens, ils tuaient les Arméniens, les enfants, les grands personnes âgées, parce qu'ils étaient arméniens, quoi. C'est une grande ville, Stepanakert? Pas trop grand, mais quand même, pas mal. Une ville entourée de montagnes, c'est là autour de nous, c'est de la moyenne montagne, tout autour. Population, on va dire, je pense, 150 000. On est à quelle altitude ici, tu penses? sans compter les marches, parce qu'on est en train de monter à peu près. Un monument, mais sans ajouter les marches. 1700, je pense, peut-être. 1700 mètres d'altitude. Ouais. Et on se dirige vers un monument qui est à l'entrée de Stepanakert. Ouais. Le monument, ça s'appelle Mami Papi. C'est le visage de grand-mère et grand-père. C'est l'un des symboles Artsakh. Ouais. C'est une œuvre qui date, qui est assez récente. C'est à l'époque de l'Union soviétique. Ah, quand même. Ouais. Ah oui. Avant l'indépendance. Ouais. Et c'est en pierre. En pierre arménienne touffe. La fameuse pierre rose. Hein. En rose, touffe rose. Ouais. Des formes plutôt géométriques. Hein. Ouais. Et quand on arrive à Stepanakert, on s'arrête ici? Oui, on s'arrête ici. Même les gens, les habitants de Stepanakert ou Artsakh, ils viennent trop souvent ici. C'est le respect pour les parents, on va dire aussi, le pays. C'est ça. Donc à la fois, on regarde le monument, mais ça a vraiment une dimension symbolique et patriotique. Ouais. Il n'y a pas énormément de marches, mais il nous en reste quelques-unes. Hein. Kosserim asin Ach din chutu insdan chum linek miasi C'est à Stepanakert, au sommet de ce monument, nous sommes des montagnes appelées également Mami et Papi. Le Sargis Bagdasarian, considéré comme le symbole de l'identité d'Artsakh, que se termine ce Suivez le Guide en Arménie. Préparé avec la complicité d'Eva Vazoyan et Vartan Kaprielian, directeur de l'Office du tourisme d'Arménie à Paris. Grand merci Catherine et Henri que nous retrouverons. Un guide conseillé, le Petit Futé Arménie. Réalisation Roman Feocchio. Le site internet destination-arménie.fr.